Chapitre 18. Valentine, en rentrant au château, avait trouvé sur sa cheminée une lettre de Monsieur de Lansac. Selon l'usage du grand monde, elle était en correspondance avec lui depuis l'époque de ses fiançailles. Cette correspondance, qui semble devoir être une occasion de se connaître et de se lier plus intimement, est presque toujours froide et maniérée. On y parle d'amour dans le langage des salons, on y montre son esprit, son style et son écriture, rien de plus. Valentine écrivait si simplement qu'elle passait aux yeux de Monsieur de Lansac et de sa famille pour une personne fort médiocre. Monsieur de Lansac s'en réjouissait assez. À la veille de disposer d'une fortune considérable, il entrait bien dans ses plans de dominer entièrement sa femme. Aussi, quoiqu'il ne fût nullement épris d'elle, il s'appliquait à lui écrire des lettres qui, dans le goût du beau monde, devaient être de petits chefs-d'œuvre épistolaires. Il s'imaginait ainsi exprimer l'attachement le plus vif qui fût jamais entré dans le cœur d'un diplomate. Et Valentine devait nécessairement prendre de son âme et de son esprit une haute idée. Jusqu'à ce moment, en effet, cette jeune personne, qui ne savait absolument rien de la vie et des passions, avait conçu pour la sensibilité de son fiancé une grande admiration. Et lorsqu'elle comparait les expressions de son dévouement à ses propres réponses, elle s'accusait de rester, par sa froideur, bien au-dessous de lui. Ce soir-là, fatiguée des joyeuses et vives émotions de sa journée, la vue de cette suscription, qui d'ordinaire lui était si agréable, éleva en elle comme un sentiment de tristesse et de remords. Elle hésita quelques instants à la lire, et, dès les premières lignes, elle tomba dans une si grande distraction qu'elle la lut des yeux jusqu'à la fin sans en avoir compris un mot, et sans avoir pensé à autre chose qu'à Louise, à Bénédicte, au bord de l'eau et à l'oseraie de la prairie. Elle se fit un nouveau reproche de cette préoccupation et relut courageusement la lettre du secrétaire d'ambassade. C'était celle qu'il avait faite avec le plus de soin. Malheureusement, elle était plus obscure, plus vide et plus prétentieuse que toutes les autres. Valentine fut, malgré elle, pénétrée du froid mortel qui avait présidé à cette composition. Elle se consola de cette impression involontaire en l'attribuant à la fatigue qu'elle éprouvait. Elle se mit au lit et, grâce au peu d'habitude qu'elle avait de prendre tant d'exercice, elle s'endormit profondément. Mais elle s'éveilla le lendemain toute rouge et toute troublée des songes qu'elle avait faits. Elle prit sa lettre qu'elle avait laissée sur sa table de nuit et la relut encore avec la ferveur que met une dévote à recommencer ses prières lorsqu'elle croit les avoir mal dites. Mais ce fut en vain. Au lieu de l'admiration qu'elle avait jusque-là éprouvée pour ses lettres, elle n'eut que de l'étonnement et quelque chose qui ressemblait à de l'ennui. Elle se leva, effrayée d'elle-même et toute pâlie de la fatigue d'esprit qu'elle en ressentait. Alors, comme en l'absence de sa mère elle faisait absolument tout ce qui lui plaisait, comme sa grand-mère ne songeait pas même à la questionner sur sa journée de la veille, elle partit pour la ferme, emportant dans un petit coffre de bois de cèdre toutes les lettres qu'elle avait reçues de Monsieur de Lansac depuis un an, et se flattant qu'à la lecture de ces lettres, l'admiration de Louise raviverait la sienne. Il serait peut-être téméraire d'affirmer que ce fut là l'unique motif de cette nouvelle visite à la ferme. Mais si Valentine en eut un autre, ce fut certainement à l'insu d'elle-même. Quoi qu'il en soit, elle trouva Louise toute seule. Sur la demande d'Athénaïs, qui avait voulu s'éloigner pour quelques jours de son cousin, Madame Léry était partie avec sa fille pour aller rendre visite dans les environs à une de ses parentes. Bénédicte était à la chasse et le père Léry aux travaux des champs. Valentine fut effrayée de l'altération des traits de sa sœur. Celle-ci donna pour excuse l'indisposition d'Athénaïs qui l'avait forcée de veiller. Elle sentit d'ailleurs sa peine s'adoucir aux tendres caresses de Valentine. Et bientôt, elles se mirent à causer avec abandon de leurs projets pour l'avenir. Ceci conduisit Valentine à montrer les lettres de M. de Lansac. Louise en parcourut quelques-unes, qu'elle trouva d'un froid mortel et d'un ridicule achevé. Elle jugea sur-le-champ le cœur de cet homme, et devina fort bien que ses intentions bienveillantes, relativement à elle, méritait une médiocre confiance. La tristesse qui l'accablait redoubla par cette découverte, et l'avenir de sa sœur lui parut aussi triste que le sien. Mais elle n'osa en rien témoigner à Valentine. La veille, peut-être, elle se fût sentie le courage de l'éclairer. Mais après les aveux de Bénédicte, Louise, qui peut-être soupçonnait Valentine de l'encourager un peu, n'osa pas l'éloigner d'un mariage qui devait du moins la soustraire au danger de cette situation. Elle ne se prononça pas et la pria de lui laisser ses lettres en promettant de lui en dire son avis après les avoir toutes lues avec attention. Elles étaient toutes deux assez attristées de cet entretien. Louise y avait trouvé de nouveaux sujets de douleur et Valentine, en apercevant l'air contraint de sa sœur, n'en avait pas obtenu le résultat qu'elle en attendait. Lorsque Bénédicte rentra, en fredonnant au loin, la cavatine dit « Placer mi balza il cor ». Valentine tressaillit en reconnaissant sa voix, mais la présence de Louise lui causa un embarras qu'elle ne put s'expliquer. Et ce fut avec d'hypocrites efforts qu'elle attendit d'un air d'indifférence l'arrivée de Bénédicte. Bénédicte entra dans la salle, dont les volets étaient fermés. Le passage subit du grand soleil à l'obscurité de cette pièce l'empêcha de distinguer les deux femmes. Il suspendit son fusil à la muraille, en chantant toujours, et Valentine, silencieuse, le cœur ému, le sourire sur les lèvres, suivait tous ses mouvements. Lorsqu'il l'aperçut, au moment où il passait tout près d'elle, et laissa échapper un cri de surprise et de joie. Ce cri, parti du plus profond de ses entrailles, exprimait plus de passion et de transport que toutes les lettres de M. de Lansac étalées sur la table. L'instinct du cœur ne pouvait guère abuser Valentine à cet égard, et la pauvre Louise comprit que son rôle était déplorable. De ce moment, Valentine oublia et M. de Lansac et la correspondance, et ses doutes et ses remords. Elle ne sentit plus que ce bonheur impérieux qui étouffe tout autre sentiment en présence de l'être que l'on aime. Elle et Bénédicte le savourèrent avec égoïsme en présence de cette triste Louise, dont la situation fausse était si pénible entre deux. L'absence de la comtesse de Rimbaud s'étant prolongée de plusieurs jours au-delà du terme qu'elle avait prévu, Valentine revint plusieurs fois à la ferme. Madame Léry et sa fille étaient toujours absentes, et Bénédicte, couchée dans le sentier par où devait arriver Valentine, y passait des heures de délices à l'attendre dans le feuillage de la haie. Il la voyait souvent passer sans oser se montrer, de peur de se trahir par trop d'empressement. Mais dès qu'elle était entrée à la ferme, il s'élançait sur ses traces, et, au grand déplaisir de Louise, il ne les quittait plus de la journée. Louise ne pouvait s'en plaindre, car Bénédicte avait la délicatesse de comprendre le besoin qu'elle pouvait avoir de s'entretenir ensemble. Et, tout en feignant de battre les buissons avec son fusil, il les suivait à une distance respectueuse. Mais il ne les perdait jamais de vue. Regardez Valentine, s'enivrer du charme indicible répandu autour d'elle, cueillir avec amour les fleurs que sa robe venait d'effleurer, suivre dévotement la trace d'herbe couchée qu'elle laissait derrière elle, puis remarquer avec joie qu'elle tournait souvent la tête pour voir s'il était là. Saisir, deviner parfois son regard à travers les détours d'un sentier. Se sentir appelé par une attraction magique lorsqu'elle l'appelait effectivement dans son cœur. Obéir à toutes ces impressions subtiles, mystérieuses, invincibles qui composent l'amour. C'était là pour Bénédicte autant de joies pures et fraîches que vous ne trouverez point trop puériles si vous vous souvenez d'avoir eu 20 ans. Louise ne pouvait lui adresser de reproches, car il lui avait juré de ne jamais chercher à voir Valentine seule un instant, et il tenait religieusement sa parole. Il n'y avait donc à cette vie aucun danger apparent. Mais chaque jour, le trait s'enfonçait plus avant dans ses âmes sans expérience. Chaque jour endormait la prévoyance de l'avenir. Ces rapides instants, jetés comme un rêve dans leur existence, composaient déjà pour eux toute une vie qui leur semblait devoir durer toujours. Valentine avait pris le parti de ne plus penser du tout à M. de Lansac, et Bénédicte se disait qu'un tel bonheur ne pouvait pas être balayé par un souffle. Louise était bien malheureuse. En voyant de quel amour Bénédicte était capable, elle apprenait à connaître ce jeune homme qu'elle avait cru jusque-là plus ardent que sensible. Cette puissance d'aimer qu'elle découvrait en lui le lui rendait plus cher. Elle mesurait l'étendue d'un sacrifice qu'elle n'avait pas compris en l'accomplissant, et pleurait en secret la perte d'un bonheur qu'elle eût pu goûter plus innocemment que Valentine. Cette pauvre Louise, dont l'âme était passionnée, mais qui avait appris à se vaincre en subissant les funestes conséquences de la passion, luttait maintenant contre des sentiments âpres et douloureux. Malgré elle, une dévorante jalousie lui rendait insupportable le bonheur pur de Valentine. Elle ne pouvait se défendre de déplorer le jour où elle l'avait retrouvé. Et déjà, cette amitié romanesque et sublime avait perdu tout son charme. Elle était déjà, comme la plupart des sentiments humains, dépouillée d'héroïsme et de poésie. Louise se surprenait parfois à regretter le temps où elle n'avait aucun espoir de retrouver sa sœur. Et puis elle avait horreur d'elle-même et priait Dieu de la soustraire à ses ignobles sentiments. Elle se représentait la douceur, la pureté, la tendresse de Valentine, et se prosternait devant cette image comme devant celle d'une sainte qu'elle priait d'opérer sa réconciliation avec le ciel. Par instant, elle formait l'enthousiaste et téméraire projet de l'éclairer franchement sur le peu de mérite réel de M. de Lansac, de l'exhorter à rompre ouvertement avec sa mère, à suivre son penchant pour Bénédicte, et à se créer, au sein de l'obscurité, une vie d'amour, de courage et de liberté. Mais ce dessein, dont le dévouement n'était peut-être pas au-dessus de ses forces, s'évanouissait bientôt à l'examen de la raison. Entraîner sa sœur dans l'abîme où elle s'était précipitée, lui ravir la considération qu'elle-même avait perdue, pour la tirer dans les mêmes malheurs, la sacrifier à la contagion de son exemple, c'était de quoi faire reculer le désintéressement le plus hardi. Alors, Louise persistait dans le plan qui lui avait paru le plus sage. C'était de ne point éclairer Valentine sur le compte de son fiancé, et de lui cacher, soigneusement, les confidences de Bénédicte. Mais, quoique cette conduite fût la meilleure possible, à ce qu'elle pensait, elle n'était pas sans remords d'avoir attiré Valentine dans de semblables dangers, et de n'avoir pas la force de l'y soustraire tout à coup en quittant le pays. Mais voilà ce qu'elle ne se sentait pas l'énergie d'accomplir. Bénédicte lui avait fait jurer qu'elle resterait jusqu'à l'époque du mariage de Valentine. Après cela, Bénédicte ne se demandait pas ce qu'il deviendrait, mais il voulait être heureux jusque-là. Il le voulait, avec cette force d'égoïsme que donne un amour sans espérance. Il avait menacé Louise de faire 1000 folies si elle le poussait au désespoir, tandis qu'il jurait de lui être aveuglément soumis si elle lui laissait encore ses 2 ou 3 jours de vie. Il l'avait même menacé de sa haine et de sa colère. Ses larmes, ses emportements, son obstination avaient eu tant d'empire sur Louise, dont le caractère était d'ailleurs faible et irrésolu, qu'elle s'était soumise à cette volonté supérieure à la sienne. Peut-être aussi puisait-elle sa faiblesse dans l'amour qu'elle nourrissait en secret pour lui. Peut-être se flattait-elle de ranimer le sien, à force de dévouement et de générosité, lorsque le mariage de Valentine aurait ruiné pour lui toute espérance. Le retour de Madame de Rimbaud vint enfin mettre un terme à cette dangereuse intimité. Alors, Valentine cessa de venir à la ferme et Bénédicte tomba du ciel en terre. Comme il avait vanté à Louise le courage qu'il aurait dans l'occasion, il supporta d'abord assez bien, en apparence, cette rude épreuve. Il ne voulait point avouer combien il s'était abusé lui-même sur l'état de ses forces. Il se contenta, pendant les premiers jours, d'errer autour du château, sous différents prétextes. Heureux quand il avait aperçu de loin Valentine au fond de son jardin. Puis il pénétra la nuit dans le parc pour voir briller la lampe qui éclairait son appartement. Une fois, Valentine s'étant hasardée à aller voir lever le soleil au bout de la prairie, à l'endroit où elle avait reçu le premier rendez-vous de Louise, elle trouva Bénédicte assis à cette même place où elle s'était assise, mais dès qu'il l'aperçut, il s'enfuit en feignant de ne pas la voir, car il ne se sentait pas la force de lui parler sans trahir ses agitations. Une autre fois, comme elle errait dans le parc à l'entrée de la nuit, elle entendit à plusieurs reprises le feuillage s'agiter autour d'elle, et quand elle se fut éloignée du lieu où elle avait éprouvé cette frayeur, elle vit de loin un homme qui traversait l'allée et qui avait la taille et le costume de Bénédicte. Il détermina Louise à demander un nouveau rendez-vous à sa sœur. Il l'accompagna, comme la première fois, et se tint à distance pendant qu'elles causaient ensemble. Quand Louise le rappela, il s'approcha dans un trouble inexprimable. « Eh bien, mon cher Bénédicte, lui dit Valentine qui avait rassemblé tout son courage pour cet instant. « Voici la dernière fois que nous nous verrons d'ici à longtemps peut-être. Louise vient de m'annoncer son prochain départ et le vôtre. »« Le mien ? » dit Bénédicte avec amertume. « Pourquoi le mien, Louise ? Qu'en savez-vous ? » Il sentit tressaillir la main de Valentine que, dans l'obscurité, il avait gardée entre les siennes. « N'êtes-vous pas décidé ? Répondit Louise, « à ne pas épouser votre cousine, du moins pour cette année ? Et votre intention n'est-elle pas de vous établir dès lors dans une situation indépendante ?»« Mon intention est de ne jamais épouser personne, » répondit-il d'un ton dur et énergique. « Mon intention est aussi de ne demeurer à la charge de personne, mais il n'est pas prouvé que mon intention soit de quitter le pays. » Louise ne répondit rien, et dévora des larmes que l'on ne pouvait voir couler. Valentine pressa faiblement la main de Bénédicte afin de pouvoir dégager la sienne, et ils se séparèrent plus émus que jamais. Cependant, on faisait au château les apprêts du mariage de Valentine. Chaque jour apportait de nouveaux présents de la part du fiancé. Il devait arriver lui-même aussitôt que les devoirs de sa charge le permettraient. Et la cérémonie était fixée au surlendemain, car M. de Lansac, le précieux diplomate, avait bien peu de temps à perdre à l'action futile d'épouser Valentine. Un dimanche, Bénédicte avait conduit en carriole sa tante et sa cousine à la messe, au plus gros bourg de la vallée. Athénaïs, jolie et parée, avait retrouvé tout l'éclat de son teint, toute la vivacité de ses yeux noirs. Un grand gars de 5 pieds 6 pouces, que le lecteur a déjà vu sous le nom de Pierre Bluty, avait accosté les dames de Grand-Genève et s'était placé dans le même banc à côté d'Athénaïs. C'était une évidente manifestation de ses prétentions auprès de la jeune fermière, et l'attitude insouciante de Bénédicte, appuyée à quelque distance contre un pilier, fut pour tous les observateurs de la contrée un signe non équivoque de rupture entre lui et sa cousine. Déjà, Moret, Simoneau et bien d'autres s'étaient mis sur les rangs, mais Pierre Bluty avait été le mieux accueilli. Quand le curé monta en chaire pour faire le prône et que sa voix cassée et chevrotante rassembla toute sa force pour énoncer les noms de Louise Valentine de Rimbaud et de Norbert Évariste de Lansac, dont la seconde et dernière publication s'affichait ce jour même aux portes de la mairie, il y eut sensation dans l'auditoire, et Athénaïs échangea avec son nouvel adorateur un regard de satisfaction et de malice. Car l'amour ridicule de Bénédicte pour Mademoiselle de Rimbaud n'était point un secret pour Pierre Bluty. Athénaïs, avec sa légèreté accoutumée, s'était livré au plaisir d'en médire avec lui, afin peut-être de s'encourager à la vengeance. Elle se hasarda même à se retourner doucement pour voir l'effet de cette publication sur son cousin. Mais, de rouge et triomphante qu'elle était, elle devint pâle et repentante quand elle eut envisagé les traits bouleversés de Bénédicte. Chapitre 19. Louise, en apprenant l'arrivée de M. de Lansac, écrivit une lettre d'adieu à sa sœur, lui exprima dans les termes les plus vifs sa reconnaissance pour l'amitié qu'elle lui avait témoignée, et lui dit qu'elle allait attendre à Paris l'effet des bonnes intentions de M. de Lansac pour leur rapprochement. Elle la suppliait de ne point brusquer cette demande et d'attendre que l'amour de son mari eût consolidé le succès qu'elle devait en attendre. Après avoir fait passer cette lettre à Valentine par l'intermédiaire d'Athénaïs, qui alla en même temps faire part à la jeune comtesse de son prochain mariage avec Pierre Bluty, Louise fit les apprêts de son voyage. Effrayée de l'air sombre et de la taciturnité presque brutale de Bénédicte, elle n'osa chercher un dernier entretien avec lui. Mais le matin même de son départ, il vint la trouver dans sa chambre et, sans avoir la force de lui dire une parole, il la pressa contre son cœur en fondant en larmes. Elle ne chercha point à le consoler, et, comme ils ne pouvaient rien se dire qui adoucît leur peine mutuelle, ils se contentèrent de pleurer ensemble en se jurant une éternelle amitié. Ces adieux soulagèrent un peu le cœur de Louise, mais en la voyant partir, Bénédicte sentit s'évanouir la dernière espérance qui lui resta d'approcher de Valentine. Alors, il tomba dans le désespoir. De ces 3 femmes qui naguère l'accablaient à l'envie de prévenances et d'affection, il ne lui en restait pas une. Il était seul désormais sur la terre. Ses rêves, si riants et si flatteurs, étaient devenus sombres et poignants. Qu'allait-il devenir? Il ne voulait plus rien devoir à la générosité de ses parents. Il sentait bien qu'après l'affront fait à leur fille, il ne devait plus rester à leur charge. N'ayant pas assez d'argent pour aller habiter Paris, et pas assez de courage dans un moment aussi critique pour s'y créer une existence à force de travail, il ne lui restait d'autre parti à prendre que d'aller habiter sa cabane et son champ, en attendant qu'il eût repris la volonté d'aviser à quelque chose de mieux. Il fit donc arranger, aussi proprement que le lui permirent ses moyens, l'intérieur de sa chaumière. Ce fut l'affaire de quelques jours. Il loua une vieille femme pour faire son ménage, et il s'installa chez lui après avoir pris congé de ses parents avec cordialité. La bonne femme Léry sentit s'évanouir tout le ressentiment qu'elle avait conçu contre lui et pleura en l'embrassant. Le brave Léry se fâcha et voulut de force le retenir à la ferme. Athénaïs alla s'enfermer dans sa chambre où la violence de son émotion lui causa une nouvelle attaque de nerfs, car Athénaïs était sensible et impétueuse. Elle ne s'était attachée à Bluti que par dépit et vanité. Au fond de son cœur, elle chérissait encore Bénédicte et lui eût accordé son pardon s'il eût fait un pas vers elle. Bénédicte ne put s'arracher de la ferme qu'en donnant la parole d'y revenir après le mariage d'Athénaïs. Quand il se trouva le soir, seul dans sa maisonnette silencieuse, ayant pour tout compagnon Perdreau assoupi entre ses jambes, pour toute harmonie le bruit de la bouilloire qui contenait son souper et qui grinçait sur un ton aigre et plaintif devant les fagots de l'âtre, un sentiment de tristesse et de découragement s'empara de lui. À 22 ans, après avoir connu les arts, les sciences, l'espérance et l'amour, c'est une triste fin que l'isolement et la pauvreté. Ce n'est pas que Bénédicte fût très sensible aux avantages de la richesse. Il était dans l'âge où l'on s'en passe le mieux. Mais on ne saurait nier que l'aspect des choses extérieures n'est une influence immédiate sur nos pensées et ne détermine le plus souvent la teinte de notre humeur. Or, la ferme, avec son désordre et ses contrastes, était un lieu de délices en comparaison de l'ermitage de Bénédicte. Les murs bruts, le lit de serge en forme de corbillard, quelques vases de cuisine en cuivre et en terre disposés sur des rayons, le pavé en dalles calcaires inégales et ébréchées de tous côtés, les meubles grossiers, le jour rare et gris qui venait de 4 carreaux irisés par le soleil et la pluie, ce n'était pas là de quoi faire éclore des rêves brillants. Bénédicte tomba dans une triste méditation. Le paysage qu'il découvrait par sa porte entr'ouverte, quoique pittoresque et vigoureusement dessiné, n'était pas non plus de nature à donner une physionomie très riante à ses idées. Une ravine, sombre et semée de genêts épineux, le séparait du chemin raide et tortueux qui se déroulait comme un serpent sur la colline opposée. Et, s'enfonçant dans les houx et les buis au feuillage noirâtre, semblait, par sa pente rapide, tomber brusquement des nues. Cependant, les souvenirs de Bénédicte venant à se reporter sur ces jeunes années qui s'étaient écoulées dans ce lieu, il trouva insensiblement un charme mélancolique à sa retraite. C'était sous ce toit obscur et décrépit qu'il avait vu le jour. Auprès de ce foyer, sa mère l'avait bercé d'un chant rustique ou du bruit monotone de son rouet. Le soir, sur ce sentier escarpé, il avait vu descendre son père, paysan grave et robuste, avec sa cognée sur l'épaule et son fils aîné derrière lui. Bénédicte avait aussi de vagues souvenirs d'une sœur, plus jeune que lui, dont il avait agité le berceau, de quelques vieux parents, d'anciens serviteurs. Mais tout cela avait pour jamais passé le seuil. Tout était mort, et Bénédicte se rappelait à peine les noms qui avaient été jadis familiers à son oreille. « Oh, mon père, oh, ma mère !» disait-il aux ombres qu'il voyait passer dans ses rêves. « Voilà bien la maison que vous avez bâtie, le lit où vous avez reposé, le champ que vos mains ont cultivé. Mais votre plus précieux héritage, vous ne me l'avez pas transmis. Où sont ici pour moi la simplicité du cœur, le calme de l'esprit, les véritables fruits du travail? Si vous errez dans cette demeure pour y retrouver les objets qui vous furent chers, vous allez passer auprès de moi sans me reconnaître, car je ne suis plus cet être heureux et pur qui sortit de vos mains et qui devait profiter de vos labeurs. Hélas, l'éducation a corrompu mon esprit. Les vains désirs, les rêves gigantesques ont faussé ma nature et détruit mon avenir. La résignation et la patience, Ces deux vertus du pauvre, je les ai perdues aujourd'hui. Je reviens en proscrit, habiter cette chaumière dont vous étiez innocemment vain. C'est pour moi la terre d'exil que cette terre fécondée par vos sueurs. Ce qui fit votre richesse est aujourd'hui mon pis-aller. » Puis, en pensant à Valentine, Bénédicte se demandait avec douleur ce qu'il eût pu faire pour cette fille élevée dans le luxe, ce qu'elle fût devenue si elle eût consenti à venir se perdre avec lui dans cette existence rude et chétive. Et il s'applaudissait de n'avoir pas même essayé de la détourner de ses devoirs. Et pourtant, il se disait aussi qu'avec l'espoir d'une femme comme Valentine, il aurait eu des talents, de l'ambition et une carrière. Elle eût réveillé en lui ce principe d'énergie qui, ne pouvant servir à personne, s'était engourdi et paralysé dans son sein. Elle eût embelli la misère, ou plutôt elle l'aurait chassée. Car pour Valentine, Bénédicte ne voyait rien qui fût au-dessus de ses forces. Et elle lui échappait pour jamais. Bénédicte retombait dans le désespoir. Quand il apprit que M. de Lansac était arrivé au château, que dans 3 jours Valentine serait mariée, il entra dans un accès de rage si atroce qu'un instant il se crut né pour les plus grands crimes. Jamais il ne s'était arrêté sur cette pensée que Valentine pouvait appartenir à un autre homme que lui. Il s'était bien résigné à ne la posséder jamais, mais voir ce bonheur passer au bras d'un autre, c'est ce qu'il ne croyait pas encore. La circonstance la plus évidente, la plus inévitable, la plus prochaine de son malheur, il s'était obstiné à croire qu'elle n'arriverait point, que M. de Lansac mourrait, que Valentine mourrait plutôt elle-même au moment de contracter ses liens odieux. Bénédicte ne s'en était pas vanté, dans la crainte de passer pour un fou, mais il avait réellement compté sur quelques miracles, et, ne le voyant point s'accomplir, il maudissait Dieu, qui lui en avait suggéré l'espérance et qui l'abandonnait. Car l'homme rapporte tout à Dieu dans les grandes crises de sa vie. Il a toujours besoin d'y croire, soit pour le bénir de ses joies, soit pour l'accuser de ses fautes. Mais sa fureur augmenta encore quand il eut aperçu, un jour qu'il rôdait autour du parc, Valentine qui se promenait seule avec M. de Lansac. Le secrétaire d'ambassade était empressé, gracieux, presque triomphant. La pauvre Valentine était pâle, abattue. Mais elle avait l'air doux et résigné. Elle s'efforçait de sourire aux mielleuses paroles de son fiancé. Cela était donc bien sûr. Cet homme était là. Il allait épouser Valentine. Bénédicte cacha sa tête dans ses deux mains et passa 12 heures dans un fossé, absorbée par un désespoir stupide. Pour elle, la pauvre jeune fille, elle subissait son sort avec une soumission passive et silencieuse. Son amour pour Bénédicte avait fait des progrès si rapides qu'il avait bien fallu s'avouer le mal à elle-même. Mais entre la conscience de sa faute et la volonté de s'y abandonner, il y avait encore bien du chemin à faire, surtout Bénédicte n'étant plus là pour détruire d'un regard tout l'effet d'une journée de résolution. Valentine était pieuse, elle se confia à Dieu et attendit M. de Lansac avec l'espoir de revenir à ce qu'elle croyait avoir éprouvé pour lui. Mais dès qu'il parut, elle sentit combien cette bienveillance aveugle et indulgente qu'elle lui avait accordée était loin de constituer une affection véritable. Il lui sembla dépouillé de tout le charme que son imagination lui avait prêté un instant. Elle se sentit froide et ennuyée auprès de lui. Elle ne l'écoutait plus qu'avec distraction et ne lui répondait que par complaisance. Il en ressentit une vive inquiétude. Mais quand il vit que le mariage n'en marchait pas moins et que Valentine ne semblait pas disposée à faire la moindre opposition, il se consola facilement d'un caprice qu'il ne voulut pas pénétrer et qu'il feignit de ne pas voir. La répugnance de Valentine augmentait pourtant d'heure en heure. Elle était pieuse et même dévote par éducation et par conviction. Elle s'enfermait des heures entières pour prier, espérant toujours trouver, dans le recueillement et la ferveur, la force qui lui manquait pour revenir au sentiment de son devoir. Mais ses méditations ascétiques fatiguaient de plus en plus son cerveau et donnaient plus d'intensité à la puissance que Bénédicte exerçait sur son âme. Elle sortait de là plus épuisée, plus tourmentée que jamais. Sa mère s'étonnait de sa tristesse, s'en offensait sérieusement, et l'accusait de vouloir jeter de la contrariété sur ce moment si doux, disait-elle, au cœur d'une mère. Il est certain que tous ces embarras ennuyaient mortellement Madame de Rimbaud. Elle avait voulu, pour les diminuer, que la noce se fît sans éclat et sans luxe à la campagne. Tels qu'ils étaient, il lui tardait beaucoup d'en être dégagé et de se trouver libre de rentrer dans le monde où la présence de Valentine l'avait toujours extraordinairement gênée. Bénédicte roulait dans sa tête 1000 absurdes projets. Le dernier auquel il s'arrêta et qui mit un peu de calme dans ses idées fut de voir Valentine une fois avant d'en finir pour jamais avec elle. Car il se flattait presque de ne l'aimer plus quand elle aurait subi les embrassements de M. de Lansac. Il espéra que Valentine le calmerait par des paroles de consolation et de bonté, ou qu'elle le guérirait par la pruderie d'un refus. Il lui écrivit. « Mademoiselle, je suis votre amie à la vie et à la mort, vous le savez. Vous m'avez appelé votre frère, vous avez imprimé sur mon front un témoignage sacré de votre estime et de votre confiance. Vous m'avez fait espérer, dès cet instant, que je trouverais en vous un conseil et un appui dans les circonstances difficiles de ma vie. Je suis horriblement malheureux. J'ai besoin de vous voir un instant, de vous demander du courage, à vous, si forte et si supérieure. Il est impossible que vous me refusiez cette faveur. Je connais votre générosité, votre mépris des sottes convenances et des dangers quand il s'agit de faire du bien. Je vous ai vu auprès de Louise, je sais ce que vous pouvez. C'est au nom d'une amitié aussi sainte, aussi pure que la sienne, que je vous prie à genoux d'aller vous promener ce soir au bout de la prairie. Bénédicte.